plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô? Bienvenue dans le Grenier Pop, votre émission de culture pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et cette semaine, dans la prochaine demi-heure, on grimpe ensemble là-haut, dans ce grenier où chaque boîte cache une surprise, un vieux souvenir ou un moment culte qu'on croyait oublié. Et cette semaine, on retrouve un héros de notre enfance qui fête ses 50 ans. C'est en 1975 au Japon que la série UFO Robot Grandizer voit le jour. En français, on ne le connaît pas sous ce nom. Grandizer, le robot OVNI, nous est connu sous un autre nom. Allez, on se replonge dans nos souvenirs avec une chanson mythique. Vous allez le reconnaître dès les premières notes. On écoute la version que je possède sur vinyle. Métamorphose! Traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant. Ce merveilleux génie de l'infini. Transfert. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Rétro laser. La mythologie. C'est-tu pas beau comme chanson? Goldorak, ou Grandizer dans sa version originale, raconte l'histoire d'Actarus, prince d'une planète lointaine, c'est la planète Euphor. Donc, Actarus, lui, est réfugié sur la Terre après que son monde ait été détruit par les forces de Vega. Donc, à bord de son robot géant, il protège notre planète contre ses envahisseurs venus de l'espace. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, on le connaît bien, ce héros, quand même. Moi, mes premiers contacts avec ce héros ont été bien sûr à la télévision, mais pas seulement. Non, j'avais reçu en cadeau le vinyle Goldorak comme au cinéma. Et sur ce disque, on avait les chansons cultes et une longue histoire que j'ai écoutée maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, ben, je possède encore dans ma collection de 33 tours ce disque qui date de 1979. J'avais 8 ans à sa sortie. Et ce qui est bien dans l'histoire audio de ce vinyle qui se nomme « Les frères de l'espace », c'est qu'elle venait nous présenter la majorité des personnages et mettre les bases pour toute la suite des histoires qu'allait vivre Goldorak dans sa série de 74 épisodes que nous avons pu voir à la télévision. En fait, ce qu'il y a sur le disque est l'équivalent de l'épisode 1 de la télévision, mais un peu plus long. J'ai comparé les dialogues du début et les textes se rapprochent grandement l'un de l'autre. L'histoire sur le disque est un peu plus longue que l'épisode télé, mais raconte essentiellement la même chose. L'histoire commence avec l'arrivée d'Alcor, un pilote envoyé pour enquêter sur des apparitions d'ovnis près du ranch du Bouleau Blanc. À son arrivée, il rencontre le professeur Procyon et ses collaborateurs, dont Rigel, Venusia, Mizar et Actarus. À ce moment, Actarus, fils adoptif du professeur, se montre distant et mystérieux. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'Actarus est un petit peu stressé à cause de la lune rouge dans le ciel, qui est un présage, selon lui, d'une attaque imminente. Donc, on écoute quelques minutes du vinyle pour se rappeler les débuts des aventures de ce héros. Ici le centre spatial du professeur Potion. Vous venez d'apparaître sur mon scope radar. Répondez à la demande d'identification. Ici Alcor. Je pilote le prototype OVTR 1. Indiquez-moi la procédure d'approche. Réduisez à 560. Amorce de spirale à 60 000 mètres. Attaque de l'atmosphère sous 18 degrés. Vérifiez le peroxyde. À vous. Ordre bien compris. Côté carburant, tout va bien. Où dois-je me poser? À vous. Point d'atterrissage à 140 degrés 4 minutes est, 30 degrés 6 minutes nord. C'est le ranch du Bouleau Blanc. Je vous y rejoins en voiture. Oh, Alcor! Oui? Ne vous étonnez pas d'y voir un mirador avec une lunette astronomique. Le ranch appartient à un vieil excentrique qui attend l'arrivée des extraterrestres. Il s'appelle Rigel. Oh! Une soucoupe! Les hommes de l'espace arrivent! Venez! Venez! Venez, on vous attend! Venez! Venez par ici, gentille petite soucoupe! Par ici! Mais il se pose chez nous! Oh! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh! Oh, la soucoupe! Do you speak, martien? Attention, hein! Oh, attention, si vous n'avez pas trois jambes et quatre bras, c'est que vous n'êtes pas des vrais martiens! Là! Ça, oh! Oh, j'ai compris! Vous êtes déguisé en terrien! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis un ami. Mais comment ça? Il parle notre langue? Sans accent? Ah, c'est un martien très cultivé! Oh, je suis tombé chez des fous. J'espère que votre traversée s'est effectuée sans problème. Oui, merci. Je me présente, Alcor. Heureux de vous rencontrer, professeur Procyon. Moi également. Voici mes principaux collaborateurs, messieurs Argoli, Antares et Cochir. Messieurs, je vous présente Alcor. Professeur, non, expliquez-vous clairement, je vous en prie. C'est un terrien, ce n'est pas un martien. Monsieur Alcor arrive tout droit du Centre mondial de défense. Il est chargé des recherches sur les ovnis. Et la soucoupe qu'il conduit a été conçue par lui. Oh, ça c'est fantastique. Alcor, laissez-moi vous présenter Monsieur Rigel, qui est le propriétaire du ranch, et qui nous a autorisé à construire l'observatoire sur son terrain. Voici sa fille aînée, Vénusia. Enchantée. Moi de même. Et son jeune fils, Mizar. Oui, Mizar, c'est moi. Salut. Et lui, c'est Uranus, mon meilleur copain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Jeune homme, je tiens à vous dire que ma principale occupation n'est pas de travailler à la ferme. Non, je suis surtout le président du comité d'accueil des hommes de l'espace. Mais les extraterrestres peuvent être très dangereux. Oh, mais ce sont des histoires, Lolo. Croyez-en le vieux Rigel. Oh, j'ai oublié quelqu'un. Actarus. Moi, le prince de l'espace, chevalier à la rose. Tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Actarus. Oui, père. Viens. Actarus est mon fils. J'espère que vous deviendrez de bons amis. J'en suis persuadé. Sois le bienvenu. J'ai entendu dire que des ovnis passaient souvent dans votre espace aérien. Je viens enquêter sur le phénomène. J'espère que tu voudras bien me servir de guide. Excuse-moi, mais je dois rentrer le fourrage pour les chevaux avant que le gel n'arrive. On dirait que mon OVTR n'a même pas l'air de l'intéresser. La vérité est que M. Actarus se moque du progrès. Oui, mon fils n'a qu'une passion, l'élevage des chevaux. Il a quelque chose d'étrange dans le regard. Mon cher Alcor, voulez-vous visiter notre centre? Voilà, c'est comme ça que débutent les aventures de Goldorak. Si vous voulez l'écouter au complet, c'est disponible sur YouTube. Juste cherchez Goldorak comme au cinéma et vous allez pouvoir poursuivre l'écoute. Et si le goût vous en dit d'écouter les 74 épisodes de la série originale, ils sont accessibles gratuitement sur le site anime-sama.fr. C'est un site sur lequel on retrouve plein d'animés, dont ceux de Goldorak. Sinon, en préparant l'émission, j'ai été lire les nouvelles au sujet de notre héros. Et pour ceux que ça intéresse, en octobre 2021, avec l'accord du créateur de Goldorak, Go Nagai, 5 auteurs français ont publié une bande dessinée en hommage à la série originale. Cette BD se nomme simplement Goldorak et l'action se situe environ une dizaine d'années après la fin de la série télé. Et ça raconte quoi? Eh bien, ça raconte ceci. Après la défaite des forces de Vega, Actarus et sa sœur Phénicia sont retournés sur leur planète natale, Euphor, tandis qu'Alcor et Vénusia tentent de mener une existence paisible sur Terre. Cependant, une nouvelle menace émerge des confins de l'espace. L'Hydragon, le plus puissant des Golgoths de la division, ruine, attaque la Terre et défait aisément les armées terriennes. Les derniers représentants de Vega lancent alors un ultimatum stupéfiant. Les habitants du Japon ont 7 jours pour évacuer l'archipel, faute de quoi ils seront anéantis. Donc, face à cette situation désespérée, le seul espoir réside dans le retour de Goldorak. Donc voilà, c'est une BD qui est disponible en librairie pour environ 45$ d'après ce que j'ai vu. Autre nouvelle de notre héros que j'ai apprise en préparant l'émission, eh bien, en août 2024, un reboot de la série animée composée de 13 épisodes intitulé Grandizer U a été diffusé en version originale, sous-titrée sur la chaîne manga. Et oui, il y a comme eu un reboot de la série. Et ce reboot est aussi disponible sur anime-sama.fr ou sur ToTV pour ceux qui sont abonnés. Moi, j'ai été écouter l'épisode 1. Et dans cet épisode, Actarus s'écrase sur Terre avec son robot et devient amnésique suite à cet écrasement. Bon, il finit bien sûr par se rétablir au ranch qu'on connaît bien et lorsqu'il retrouve la mémoire, il veut se débarrasser de Goldorak. Il le considère comme une arme trop puissante. Il ne veut pas que les méchants de Vega mettent la main sur son robot. Mais bon, suite à une attaque de Golgoth, Alcor voit son propre vaisseau mis à mal et qui va venir à son aide, qui va venir aider les Terriens, c'est bien sûr Actarus et Goldorak. Donc, on écoute un extrait de cette nouvelle série. Est-ce que ça va? Oh, Sayaka. Qu'est-ce que... Désolée, tu as dû être surpris. Rien de plus normal après une telle découverte. Mais oui, c'est quoi ce robot? Ah, il s'agit de Mazinger Z, l'allié de toujours d'Alcor. L'allié d'Alcor? Oui, tu sais, le grand-père d'Alcor était un scientifique d'exception. Il a développé l'énergie photonique. Et grâce aux brevets liés à cette énergie, la Fondation Kabuto a prospéré. C'est pourquoi maintenant, Alcor a décidé d'employer cette fortune colossale pour rendre ce monde un peu meilleur. Merci, Mazinger! Tu nous as sauvés! C'est mon héros! T'es trop fort! D'être la glace! Et t'es plus revenu aussi! Mais l'identité de ce justicier doit rester secrète. C'est pour ça qu'on ne t'a pas mis dans la confidence. Bien sûr, je comprends. Ne va surtout pas croire qu'on ne te faisait pas confiance. Alcor voulait tout te dire depuis un moment. Mais je voulais éviter de t'impliquer dans nos histoires et t'épargner tout ça. T'en fais pas, je comprends très bien. Alcor et toi, vous êtes des gens formidables. Je pourrais jamais assez vous remercier. Vous avez été d'une générosité sans borne envers un inconnu amnésique. C'est normal de se serrer les coudes dans les moments difficiles. Merci. Comme te l'a dit Alcor, à partir de maintenant, on aimerait que tu nous aides un peu sur tout. C'est pourquoi je vais t'expliquer la situation. Il est parti où encore? Sayaka, Alcor, je tiens déjà beaucoup à vous. Et c'est pourquoi je ne peux pas rester sur cette planète. Où est-ce que tu vas comme ça? Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Oh. Tu dois avoir tes raisons, j'imagine. Mais j'estime que tu me dois bien ça. D'où tu viens, les invités ne disparaissent pas sans rien dire, pas vrai? Alcor, la vérité, c'est que je ne suis pas terrien. Je suis un extraterrestre, je viens de la planète Euphor. Hein? Je m'appelle Actarus, et je suis le pire des criminels. Un criminel au-delà de tout pardon. Comment ça? Je possède une machine qui ressemble à Mazinger. Une arme extrêmement dangereuse. Si je suis venu sur Terre, c'est pour m'en débarrasser. Non, Actarus, attends! Attends! Les forces de Vega finiront par me retrouver et voudront s'emparer de cette arme. Avant que ça n'arrive, je dois partir jeter cette arme dans le soleil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Goldorak ne doit en aucun cas tomber dans leurs griffes. Votre étoile est encore jeune. Elle brûle d'énergie. Rien ne résiste à sa fusion. Même Goldorak ne le supportera pas. Non, attends un peu. Admettons que tu lâches Goldorak dans le soleil. Toi, comment tu vas faire pour revenir ? Oh, qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Je ne suis qu'un extraterrestre. Non, mais ça va pas. Il faut que tu saches que j'ai un vilain défaut. Quand je vois des gens qui veulent mourir, je fais tout ce que je peux pour les en empêcher. Détection d'un phénomène inconnu en approche. Et voilà. Et à partir de là, ça va mal. Les méchants arrivés arrachent la tête de Mazinger, le robot terrien d'Alcor. Et c'est là qu'un héros va venir en aide aux terriens. C'est Actarus à bord de Goldorak, comme dans la chanson. C'est lui qui arrive et qui va venir les aider. Moi, j'ai bien aimé le premier épisode de la nouvelle série. Donc, si vous aimez les animés japonais, ce reboot de Goldorak est peut-être pour vous. Ok, maintenant, petite pause musicale et au retour, on parle de deux autres héros de notre enfance. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu ? Le formulaire bleu ? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38 ? Et où trouverais-je le formulaire bleu ? Guichet 1. Mais j'en viens. Et oui, le laissez-passer A38. Un laissez-passer qui a failli rendre fous nos deux héros. Bien sûr, vous les avez reconnus, on parle ici d'Astérix et Obélix. Je voulais prendre le temps de vous en parler car il y a des nouvelles à propos de ces héros. Tout d'abord, sur Netflix, dernièrement, on a eu droit à la mini-série animée en 5 épisodes, Le combat des chefs. Si vous ne l'avez pas vu et que votre cœur d'enfant est un petit faible pour ces deux héros, eh bien, moi, je vous dis, c'est une bonne série et ça s'écoute beaucoup trop vite. 5 épisodes, on a tout juste le temps de finir notre popcorn. Sinon, qu'est-ce qui nous arrive sur les tablettes en librairie le 23 octobre? Eh bien, c'est la BD Astérix en Lusitanie. L'histoire devrait mener Astérix, Obélix et Idéfix en Lusitanie qui correspond aujourd'hui à une partie du Portugal. C'est donc un album de voyage après l'Iris Blanc qui était plus centré sur le village. On revient donc à cette tradition d'alternance dans les BD d'Astérix et Obélix entre album de voyage et album plus village. Moi, j'ai bien hâte d'ajouter cet album à ma collection. Lorsque vous l'aurez lu, je vous invite à me donner votre avis sur la page Facebook du Grenier Pop où je prendrai le temps, moi, de vous donner ma propre critique de cet album. Sinon, ce n'est pas tout. Encore des nouveautés à venir pour ces deux héros. Astérix, le royaume de Nubie. Ça, c'est le titre du prochain film d'animation à venir en 2026. Le genre de film qui devrait se retrouver dans la grille horaire de Ciné-Cadeau. Le synopsis? Les irréductibles Gaulois ont été transformés en enfants inoffensifs par un élixir de jouvence accidentellement versé dans la potion magique de Panoramix. Astérix et Obélix partent donc en voyage pour le lointain royaume de Nubie afin de trouver un antidote et sauver leur village menacé par les Romains. Bon, déjà là, j'ai plein de questions. Est-ce qu'Obélix a lui aussi été transformé en enfant? Probablement pas. Il n'est pas supposé boire de potions. Donc, probablement que seuls Astérix et Obélix n'ont pas été rajeunis. Non, on le sait pas. Pour le savoir, il faudra attendre en 2026. On n'a pas plus de détails, mais j'ai hâte. C'est toujours une bonne nouvelle, l'annonce d'un film d'animation d'Astérix. Et déjà, si on s'imagine une histoire en Nubie, une région qui est située, je vous le rappelle, le long du Nil, alors on peut s'imaginer des paysages de désert doré, des villages au bord du fleuve, des pyramides mystérieuses et des marchés animés où Astérix et Obélix pourraient se perdre en goûtant des spécialités locales. Bref, ça promet d'être une aventure pleine de surprises et de rires, comme toujours, avec nos deux Gaulois préférés. Est-ce que vous avez hâte? Probablement. Donc, en attendant, faisons-nous plaisir en écoutant un extrait d'un de leurs classiques. Et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un oiseau. Oui, un oiseau. Par Osiris et Parapis, un oiseau. Tu as vu? Oui, il va pleuvoir, Involvant. Au suivant. De quoi s'agit-il? Ah oui, je vous attendais. Lequel d'entre vous va se prêter à cette petite expérience? C'est que j'ai un carnet de rendez-vous tellement chargé. Moi, je veux bien. Très bien, installons-nous là, je vous prie. Vous êtes prêts? Je commence. Osiris et Parapis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Silence, concentre-toi. Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Par Osiris et Parapis, tu es maintenant un... Un quoi au juste? Un sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois. Allez, on recommence. Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence! On se concentre. Où en étais-je? Ah oui, un sanglier. Tu es un sanglier, m'entends-tu? Un sanglier. La nuit, ça doit être pratique pour les roulis. C'est silence! On recommence. Mais un sanglier par Asopis et Osaris, par Pasoris et en Papasi, et par Opasapia. Ah! Et puis, zut! Répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. C'est ça! Je suis un sanglier! Un sanglier! Je suis un. Il m'a donné faim avec ses histoires de sangliers. D'autant plus qu'il est midi 12. Et finalement, dernière nouvelle pour ces héros, un film en live action a aussi été annoncé. Après Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu sorti en 2023, on nous annonce qu'un nouveau film est en préparation. Et savez-vous quelle sera l'histoire? Moi, ça m'a plu quand j'ai entendu ça. D'après ce qu'on sait, le scénario est encore en cours d'écriture, mais il ne sera pas question d'adapter une bande dessinée à l'écran, et ce n'est pas une création non plus. Le réalisateur Jonathan Cohen a plutôt choisi de transposer à l'écran le film d'animation de 1976, Les 12 travaux d'Astérix, réalisé par Goscinny et Uderzo. Donc, on reprend le scénario du film d'animation pour en faire un film avec de vrais personnages. Déjà qu'il y avait plein de bonnes idées dans le film d'animation, ça risque d'être très bon si le scénario est bien écrit. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Voilà, c'est déjà tout pour le Grenier Pop. Ça va toujours trop vite. Un coup de corneau fulgure et c'est terminé. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end et comme le diraient nos deux héros, partout à Tis, à la semaine prochaine! Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Pour les rêveurs et les amoureux, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On